Présenté en direct du Centre des Congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre. Nous sommes devant l'entrée ici du Salon du Livre. C'est notre troisième journée. Encore une fois, un programme bien rempli. Aujourd'hui, on va recevoir Sarah Lazzaroni pour Patchouli, Maud Poisson pour son recueil de nouvelles Saccades, Annie Cloutier qui va venir nous parler de son essai Aimé, materné, jubilé. Et Maud Veilleux, premier roman, Le vertige des insectes. Tout ça suivi d'une table ronde sur le polar québécois. Et ça, c'est autour du recueil Le crime à la librairie. Et je reçois aussi Gilles Chomel qui va venir nous parler de ses découvertes. On va vous parler aussi de ce qui se passe en général au salon. Je vais vous faire des propositions de sorties de gens à rencontrer. On va faire une petite pause musique et on revient avec Gilles Chomel. À l'émission Les bouquins d'abord et je suis accompagnée de Gilles Chomel. Salut Gilles, ça va? Ah ben ça va, il y a du monde. Il y a du monde, hein? Et après, ils disent que les jeunes lisent pas. Ben ça a l'air qu'ils lisent, oui. Oui, hein? Et puis si je me fie à ce que j'ai lu hier et avant-hier, parce que je l'ai beaucoup dans la journée, ouais. Ils font pas juste lire, ils achètent des livres aussi également. J'ai lu plein de... Ben s'ils achètent, ils vont les lire. Hein? Ah ben c'est sûr. Parce que c'est toujours... S'il achète des bonbons, il est mort aussi. Oui, c'est à peu près ça, oui. Hein? Exactement. Mais c'est un beau salon du livre, encore une fois, puisque je trouve de particulier, cette année, c'est l'arrangement des lieux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace dans les allées. Oui, hein, c'est plus dégagé. Oui, exactement. Puis on n'a jamais l'impression d'être coincé, malgré le nombre effarant d'enfants qu'il peut y avoir ici. Bien, pas juste d'enfants, parce que là, il y a de plus en plus aussi des adultes à travers ça. Surtout sur l'heure du dîner, bien sûr. Mais c'est ça, ça se remplit, et ça se désemplit pas du tout, du tout. As-tu découvert des choses? Est-ce qu'il y a, à part l'aménagement des espaces, d'ailleurs, là-dessus, là, ce que je trouve vraiment bien, c'est il y a plus d'espace aussi pour se reposer. Oui. Parce que c'est, à un moment donné, il faut s'asseoir, hein, faut digérer. Et en fait, une allée avec des bancs, quelle bonne idée. Oui. En plus des endroits où on peut s'asseoir. Dans les coins, il y a des espaces pour s'asseoir aussi. Oui, puis les stands, ouais. les kiosques où il y a des entrevues. Alors, là, au moins, on peut s'asseoir aussi. Mais si on veut juste s'asseoir pour lire, il y a une allée de bancs. Mmh. Ouais. Mais j'ai, oui, effectivement, découvert aussi des choses. J'ai découvert le chant de la terre et nous de Jean Bédard. Tu sais, cette espèce de... C'est un poète, finalement. Oui, qui écrit des récits, romans. C'est lui qui avait écrit Maître Eckhart. Il était reconnu au début, je pense, pour ses romans philosophiques. d'une certaine ça manière. Ça ressemble. Là, c'est un roman, je te dirais, poétique. Il s'appelle Le Chant de la Terre et nous. Mm-hmm. Et puis, c'est un conte poétique. Et puis, tu as donné une idée comment, à quel point c'est poétique. Il dit, le canot se laissait faire. Mm-hmm. Il arriva donc, il s'enlisa dans la boue sur la rive sud, à quelques pas de la souche, à quelques pas d'une flaque d'eau qui s'était détachée du marais et qui tendait la main à l'embarcation. Et puis là, bien évidemment, il y a quelqu'un qui débarque et puis on se rend compte que tout est vivant. La mm-hmm. terre, l'eau, l'humain, l'animal, tout est vivant et tout s'enveloppe. Alors, il y a ça qui est, j'ai trouvé, particulièrement intéressant. Et il y a surtout ce personnage principal qui est une femme qui ne peut vivre sans le caribou. Mm-hmm. Or, j'ai découvert un autre livre qui nous dit tout, qui s'appelle « Sur la piste de nos cervidés ». C'est écrit par Jacques Prescott, Jean Ferron et Joël Taillon. Dans la collection Nature Sauvage, ce sont des biologistes de haut niveau. Oui, c'est très beau, hein? C'est vraiment magnifique. Un livre que chacun devrait avoir chez lui, qui parle de l'orignal, du cerf mm-hmm. de Virginie, mieux connu sous le nom de chevreuil chez nous, ouais. et bien sûr du caribou. Ouais. On parle de... Puis dans chacun des chapitres, non seulement on a droit à des photos absolument uniques, puis à un langage très facile. C'est du papier classique. C'est vraiment glacé. C'est, oui. C'est une belle qualité, hein? Un espèce de glacier satiné et avec des images absolument splendides de chacun de ces animaux-là. On a le portrait de l'espèce, on a sa répartition, on a son comportement. Bref, c'est des livres absolument c'est des livres de chevet finalement qu'on doit avoir pour connaître la nature qui nous... Mais c'est vrai, hein, je m'en rends compte que c'est au salon que je vais me mettre à feuilleter les beaux livres. Oui. Parce que en librairie, moi, j'ai tellement toujours de livres à lire que je suis plus attirée par telle nouveauté et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans telle branche, dans le polar, dans la littérature québécoise. Je regarde peu les beaux livres. Puis, et ici, ils sont tellement bien présentés. Si t'es comme moi, on tripe beaucoup sur le roman, la littérature en général. Ouais. Fait que pour garder des beaux livres, il faut avoir une occasion spéciale. Oui. Le Salon du livre, c'est une occasion spéciale. Oui, exact. Là, on a tout notre temps pour... On peut passer 2-3 heures pour regarder des beaux livres. Mm-hmm. Sur la piste de nos cervidés, là, c'est un pas mal beau livre. As-tu fait d'autres découvertes? Qu'est-ce qui t'a frappé d'autre? Je t'avais donné... As-tu vu des trucs sur la musique? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé? Je sais pas. Oh mon Dieu Seigneur! Ils ont ressorti un livre... Je sais pas, je ne me souviens pas du prénom. Je pense que c'est André Robitaille. Pas le gars de télé. Hein? Non. C'est un gars qui écrit aussi sur le baseball. OK. Mais il écrit surtout sur l'enfance et le hockey. OK. Il avait écrit dans le temps des histoires d'hiver. Ouais. Avec des rues, des écoles, puis du hockey. Mm-hmm. Et ça, c'est mon enfance au hockey. Avec, dans le temps, de la Ligue nationale, qu'on appelle là-dedans la Ligue nationale, mm-hmm. où il y a 6 équipes. Ouais. Avec Maurice Richard, puis Yvan Cournoyer, puis Rogatien. Regarde, je lisais ça, puis là, on vient de ressortir ce livre-là qui est paru dans les années 80 en une édition augmentée avec des images de l'époque, des années 67, avant 1967. Ça a paru où? C'est paru chez l'Hexagone, ça se peut-tu? Oui, ça c'est possible. C'est possible. BLB, je l'ai vu rapidement comme ça. Alors, j'ai surtout regardé l'intérieur plus que la maison d'édition. Okay. Mais c'est certain qu'à la mission Les Bouquins d'abord, tu vas m'en parler, je le sens. Non ça. Seulement, mais en détail, parce que c'est les éliminatoires qui s'en viennent au hockey. Là. C'est vrai. Et donc, c'est vrai. Il n'y a pas juste la littérature. En parlant de littérature, on s'en est parlé tantôt hors d'onde, ce qu'il faut rapporter aussi aux lecteurs, c'est la vente de la librairie Pantoute. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Hey, c'est une parce belle que normalement, nouvelle. C'est des mauvaises nouvelles quand ça arrive. Hein? Et là, la librairie Pantoute a été vendue à ses employés. C'est magnifique. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est une forme coopérative. Oui. Donc, ça assure une pérennité. Oui. Déjà qu'il y avait une partie qui appartient aux actionnaires, ça ne change pas. Ça fait que ça reste vraiment un lieu multiple d'une certaine manière. Et avec, puis, comme on va à la librairie Pantoute, entre autres pour la qualité de ses libraires, on ne peut pas autrement que d'être extrêmement heureux de cet achat-là. Ben oui. Et puis je pense que ça... Et ça donne une belle retraite à Denis Lebrun et à Claire Taillon parce que ça Ils vont partir l'âme en paix. Oui, ils peuvent. Mais je suis pas certain qu'ils vont vouloir laisser les... Ils vont toujours garder un œil, dire c'est bon, c'est, ils vont revenir comme lecteurs, hein? Ben oui, voilà. Parce que, hein, on sait quand même que c'est des grands lecteurs tous les deux. Toi, tu vas nous revenir demain. On a préparé... Avec la grande visite, et on va parler de quelqu'un de grand. On va parler d'un des grands auteurs, pas l'art, mais un des grands écrivains, je pense, américains, qui s'appelle James Lieber, oui. Avec nul autre que Samuel Archibald. Donc, ça nécessairement, va être... on va aussi parler de l'œuvre de Samuel Archibald. Ah oui. Hein? Oui. Il paraît qu'il y a du polar dans l'air aussi. Oui, il y a une table ronde avec lui. Je vais la présenter tantôt. Okay. Oui. Je pense qu'il est déjà là-dedans. Alors, tu lui diras qu'il nous garde des punchs pour demain quand même. Oh oui, non, je ne rencontre pas lui. Je vais annoncer sa table ronde. Ah, OK. On va écouter un peu de musique et on va revenir avec Maud Poisson. D'accord. sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre avec Per Blank. Je suis accompagnée de Maude Poisson. Maude Poisson qui a livré un super beau recueil de nouvelles, Saccade. Félicitations. Merci, merci. Nouvelle, roman, moi, je vous connaissais pas. C'est une première publication? Oui, tout à fait. J'ai fait d'autres projets là, qui sont pas qui n'étaient pas faits dans l'optique d'être publiés, là, mais c'est le ouais, c'est ma première publication en livre. Et est-ce qu'il y a des romans aussi dans l'air ou vous êtes vraiment une novelliste? Je vous dirais que ce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, c'est des textes très, très brefs. En fait, ma première expérience d'écriture, c'était pour faire une exposition texte et images. Un des textes dont vous m'avez parlé tout à l'heure, le cinquième commandement, ça a été écrit à partir d'une photo que j'ai ramassé des photos dans des bazars, là, des photos abandonnées pendant un certain temps, des vieilles photos. Puis cette photo-là... Il y a aussi une démarche art visuel, photo... Un petit peu, oui. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était un peu de sortir le texte du livre. Là. Mm-hmm. Puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est les textes brefs. Donc, pour l'instant, je fais des textes plus brefs, mais c'est pas exclu là, de travailler un roman éventuellement. OK, c'est quand même dans l'air du temps. Justement, parlons-en du cinquième commandement. Moi, c'est un texte, je vous l'ai dit. Après ça, il fallait que je dépose le recueil. C'est très dur parce qu'on est dans la tête d'une petite fille. Assez petite, hein? Oui. D'abord, je trouvais ça particulier parce que je voyais bien que vous êtes assez jeune et là, on rentre dans un contexte très religieux. Oui. Et elle se demande si elle est assez pure pour pouvoir aller à l'église parce que son père abuse d'elle. C'est à glacer les sens, hein? C'est vrai que c'est un texte très dur, effectivement. Moi, ce qui m'intéressait dans ça, en fait, moi, je m'intéresse à tout ce qui est un peu désuet. Je m'intéresse à tout ce qui est désuet, les vieilles affaires. Je collectionne des vieux trucs. Puis ça m'intéressait, cet imaginaire-là, de cette époque-là où on apprenait des prières par cœur, etc., parce que le texte est basé sur le principe du « Je vous salue Marie ». Oui. Puis ça m'intéressait d'explorer ça un peu, mais d'aller plus loin que juste le texte appris par cœur et de voir ce qui pouvait se cacher derrière un peu. Là. Mm-hmm. Ouais. Et pour vous, l'Église, ça dans votre vie, vous avez fait la recherche ou vous avez vraiment eu cette éducation pour que ça émerge comme ça parce que ça vient de quelque part? Oui. Moi, je fais partie encore de cette génération, mais vous... Mais moi, je n'ai pas du tout été... quand j'étais jeune, moi, c'était le tout début des cours de morale, là, donc je n'ai pas suivi les cours d'enseignement religieux et oui, je dois faire de la recherche, mais c'est quand même un imaginaire qu'on a peut-être par la bande, là, il y a des œuvres littéraires, cinématographiques, tout ça. Mais oui, j'ai fait un peu de recherche quand même pour avoir la base de la prière. C'est vraiment très, très fort. Il y a aussi un autre sujet que je vois émerger tout le temps, c'est la cuisine, la restauration. Je sens vraiment qu'il y a... vous arrivez de l'intérieur, là. Oui, ça, c'est sûr que c'est mon domaine que je connais bien. Là. J'ai travaillé longtemps dans le domaine de la restauration. Je suis passionnée de cuisine. Et puis, c'est quand même un milieu où on laisse pas souvent la voix. En tout cas, c'est pas un milieu qu'on représente tant que ça. Parce que non, pas du tout. J'avais jamais lu... vraiment, j'ai trouvé ça très original, en fait. Et puis, c'est ça, j'ai l'impression, tu sais, il y a des téléséries surtout, là, les hôtesses de l'air, sur plein de milieux, mais la restauration, on n'a pas vu ça souvent. Il y a Ratatouille. Ah, Ratatouille, je ne connais pas. Non, c'est un dessin animé avec un petit rat. Ah oui, Ratatouille, oui, le film, oui, c'est vrai. Mais dans le littéraire, effectivement, on ne l'a pas. C'est plus rare, oui. Donc, ça m'intéressait de montrer un peu les dessous de ce monde-là, où il y a toujours une espèce de scène où les serveurs travaillent et l'arrière-scène où les cuisiniers travaillent. Oui, je comprends. Et vous avez pas nécessairement des chutes à vos nouvelles. Non. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que, bon, c'est toujours... À l'université, on nous dit toujours que la nouvelle, ça s'écrit comme ça et paf, il y a une chute. Et moi, je trouve toujours très intéressant quand il n'y en a pas. Avez-vous une formation ou justement vous n'en avez pas eu et vous êtes libre avec ça? En fait, oui, je suis formée en littérature et je dirais, j'ai travaillé surtout en littérature contemporaine à l'université. Mm-hmm. Puis je pense que les nouvellistes contemporains jouent un peu avec cette idée-là de la chute là, qui n'est pas toujours là. Puis moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que le potentiel de la nouvelle soit dans le texte et pas seulement dans la chute. Ouais. J'aime à penser que la nouvelle, ça peut être aussi simplement un moment pris, ouais. Un peu comme un cliché là, dans l'existence d'un personnage, ouais. Puis m'en tenir à ça. Ben, c'est ça, parce que moi, bon, je vous l'ai dit, là, je viens d'en lire une où justement, il y a une chute, mais... Mais même sans chute, le texte existe. C'est celle-là où la nouvelle arrive dans un restaurant à travailler, oui. Et se fait tester par les gars de la cuisine. J'imagine que ça existe pour vrai. Ça a l'air d'être assez macho comme milieu. Quand même. Ben, j'ai l'impression que peut-être que ça a changé. Moi, ça fait quand même quelques années là, où j'étais dans le milieu de la restauration. Mais à l'heure actuelle, il y a toute une vague de nouvelles cuisines très, très raffinées et tout. Donc, j'ai l'impression que moi, au moment où j'étais là, c'était peut-être être plus un univers macho, effectivement. Ouais, parce que la chute est très, très, très chouette. Et je la voyais pas venir. Je m'attendais à un moment donné d'en avoir une. Je voyais que ça s'en allait là. Vous avez beaucoup, beaucoup de talent. Je l'aime beaucoup, votre recueil. Merci. Avez-vous déjà d'autres projets? J'ai d'autres projets de nouvelles aussi, mais j'ai un projet de roman que j'ai entamé l'an dernier, là, qui en est vraiment assez début. Est-ce que vous vendez déjà le sujet? À quoi on s'attend? Pas encore. Non, je le dirai pas, mais en fait, vous avez sûrement vu que moi, je m'intéresse beaucoup aux espoirs qui sont pas réalisés, qui prennent pas leur place dans l'existence. Donc, ça reste un peu autour de cette thématique-là, mais à travers un seul personnage. On a très hâte de lire ça. Merci Maud Poisson, Saccade chez Amac, la collection chez Septentrion, mais Amac cette année à son stand. Est-ce que vous êtes là pour signer aujourd'hui, demain? Oui, je suis là de 14h à 15h aujourd'hui. Demain, je ne sais plus exactement. C'est dans le programme. On peut trouver ça sur la page web www.silqqcca. Je vous remercie bien gros. Merci. Et j'ai hâte de vous recevoir pour un roman. Merci beaucoup. Gosto muito de te ver, ninhozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, ninhozinho. Para desentristecer, ninhozinho. Meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, ninhãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, ninhãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como imã. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord, en direct du Salon du livre. Je suis accompagnée de Sarah Lazzaroni. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Bon, on a quand même un petit peu parlé de toi. Tu as écrit un premier roman assez remarquable à juste 19 ans. Ça s'appelle Patchouli. Et j'ai l'impression d'avoir lu un livre de quelqu'un qui a une vieille âme. Une vieille âme. Oui, parce que j'ai rien vu là de quelqu'un qui a 19 ans, ton personnage a 24, 25 ans, et une maturité quand même particulière, je trouve. Tu sais, je vois pas là la folie nécessairement des 25 ans. Toi, tu écris depuis que tu sais tenir un crayon? Ah oui, depuis que je suis toute petite, là, j'écris tout le temps. Hein. J'ai des boîtes pleines chez nous de Cahiers Canada que je remplissais dans des romans éventuels. Puis voilà, c'est... Ça a toujours été... Oui, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est pas un rêve, c'est un projet de vie. Ah oui, j'ai jamais douté du fait que j'allais publier un roman un jour. C'était certain dans C'était ma tête. Certain. Ouais. Patchouli, elle est arrivée comment dans ta vie? J'ai commencé à écrire Patchouli. D'abord, c'est une nouvelle. J'étais en secondaire 4, je devais avoir 16 ou 17 ans. Oui. J'ai écrit la nouvelle, puis je suis retombée là-dessus comme il y a 2 ans. Mm-hmm. Puis là, j'ai travaillé là-dessus, je l'ai continué, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Parce que Patchouli, elle vit des choses, là. C'est, ah oui. Elle a des ressemblances avec toi. Oui, la plupart des gens pensent que c'est autobiographique. Non, je pense pas, non. Ah ben les commentaires que j'ai souvent, les gens font vraiment... Parce que je vois quelques liens, mais quand même pas tant que ça. Bon d'abord... Ben, tant mieux, parce que c'est pas moi non plus. C'est pas toi, hein? C'est non. Ça? Non, c'est l'impression que j'avais, parce que j'avais quand même fouillé un peu sur le web, sur toi, et j'ai l'impression, non, toi, t'as pas vécu toute ton enfance dans un Winnebago, quelque part avec une famille hippie. Non. Du tout, du tout. Et Patchouli, c'est un enfant unique. Ça commence là et toi, tu ne l'es pas. Non, je ne suis pas du tout. Et elle accompagne sa maman qui meurt. Ça, c'est... comment on se met dans la peau de quelqu'un qui perd sa mère? Ça prend simplement de l'imagination, je pense. Quand on t'écoute... Je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas. Mais on t'écoute, on a l'impression que c'est facile et justement, ça ne l'est pas. En tout cas, c'est... Tu sais, moi, je n'ai pas cette imagination-là. Ben, j'ai lu énormément, tu sais, dans ma vie. Moi, j'écris et je lis constamment. Donc, peut-être que je me suis inspirée aussi de d'autres personnes qui, elles, l'avaient vécu et l'avaient écrit. Oui. Donc, oui. Ben, c'est... Parle-moi un peu de Patchouli. Du personnage ou du livre? C'est toi qui décides, là. Bon, le personnage de Patchouli... Donc, c'est sûr que c'est pas... Je dis que je ne suis pas Patchouli, et c'est vrai, mais il y a beaucoup de moi en elle, beaucoup des gens qui m'entourent. Je dirais que c'est un peu un assemblage là, des traits de personnalité que j'ai retrouvés chez plein de personnes. Il y a des côtés d'elle que j'aime, oui. Et des côtés que j'aime pas nécessairement. C'est pas l'idéal, je crois. Patchouli est perturbée. Là. On sent qu'elle est en quête identitaire et il y a clairement un mal-être chez elle. Oui. Puis, mais en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, du moins, vers la fin du roman, on sent vraiment une évolution du personnage. Oui. Puis, écoute, je vais lire un petit extrait. Vas-y. Et juste pour que les gens voient un petit peu quand je parle de vieille âme, de quoi je parle, ça prend mes lunettes, sinon je vois rien du tout. Maman est morte. Je n'arrive pas à y croire. On ne revient pas de ce voyage-là. Je n'ai plus de père, plus d'amis, pas d'amant, pas d'enfant, pas de chien. J'ai 24 ans. C'est tout ce que j'ai. Ça, là, c'est des genres de petites phrases. Est-ce que c'est naturel pour toi d'arriver avec... Tu arrives à créer des images très fortes, très courtes, moins... J'écris, en fait, j'écris de toutes sortes de façons. J'ai un style qui est à moi, mais je pense que j'expérimente aussi. Je suis encore dans cette phase-là de mon écriture. Là. Je suis encore un bébé, là, un bébé écrivain. Puis j'essaie toutes sortes de choses. Puis je pense que... Je pense pas que je sois... vraiment, je suis collée aux petites phrases. Là. Des fois, j'en écris des longues, puis je me perds dans mes virgules et mes phrases qui finissent plus. Mais... Je sais pas, c'est pas un effort que je fais là, pour arriver à ça. C'est quelque chose de. C'est pas Julie qui t'impose ce genre de phrase? Peut-être, oui. Peut-être que le personnage parle lui-même, puis d'un personnage à l'autre, je change de style d'écriture. Il y a quelque chose dans la construction que j'ai trouvé très intéressant et justement très abouti aussi. Tu intercales dans cette histoire de Patchouli qui va se refaire un monde depuis que sa mère meurt et après, avec un journal intime qu'elle relit elle-même, où tu fais, je trouve, particulièrement confiance dans le lecteur. Parce que c'est pas dans l'ordre chronologique. Ouais. Ce journal-là, il raconte quoi? Ben moi, je pense qu'on peut voir ça aussi à la fois comme un journal. On va faire une petite pause et okay. on revient après. Très bien. Ici Raymond Poirier, animateur de La Vie en BD. Le vendredi 11 avril de 17h30 à 19h, nous vous offrirons une émission spéciale à l'occasion du Festival de la BD francophone de Québec en direct du Centre des Congrès. Au menu, rencontres, discussions et entrevues avec des invités de marque, dont l'auteur de Game Over, Adam, et le second père de Spirou, Jean-Claude Fournier. Venez nous rejoindre en direct au Centre des Congrès le vendredi 11 avril dès 17h30 ou écoutez-nous en direct au 89.1. En avril, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 6 avril, le programme Kino Québec. Le 16 avril, les aventuriers voyageurs, la Grèce. Le 24 avril, l'Opéra national de Paris, la Fanciulla dell'Ouest. De plus, ne manquez pas nos projections spéciales dans le cadre de l'édition 2014 de Québec Exquis, les 19, 20, 24, 26 et 27 avril prochains. En avril, procurez-vous la carte Abonne Clap et mentionnez la promotion CKRL. Et obtenez une carte cadeau de 5$ au comptoir de rafraîchissement du Clap. Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca. En avril, au Bal du Lézard, enlève ta tuque pis tes gants parce que c'est le printemps. Le 12, David Robert et Dan Lemay. Le 19, mon oncle Serge pour la soirée de financement de Limoilou en vrac. Le 24, notre soirée à Capella. Le 26, le retour d'Interférence Sardine. Aussi au Bal, tous les jeudis, apporte ton vinyle, nos fameux 5 à 7 délirants et les délicieux hot dogs plus longs que nature. Le Bal, c'est tout ça et encore davantage. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, ouvert du lundi au dimanche. Lebaldulézard.com, on t'attend. Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence d'honneur de Marie Laberge, accueille cette année un record de 1100 auteurs. Venez rencontrer vos écrivains préférés, Dany Laferrière, Alexandre Jardin, Marie-Claire Blais et plusieurs autres. Laissez-vous séduire par les nombreuses découvertes littéraires. Jeune lecteur ou lecteur aguerri, vous aurez l'embarras du choix. Plus que jamais, le Salon international du livre de Québec vous propose de la diversité. Du 9 au 13 avril, au Centre des congrès de Québec. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec. 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, en direct du Salon du Livre, toujours avec Darbrin, que je suis toujours avec Sarah Lazzaroni. Et on avait commencé avant la pause de parler du fait qu'il y a un journal intime qui est intercalé. Je t'avais posé la question, de quoi il parle ce journal-là? Qui arrive complètement dans le désordre. Mais c'est un peu, c'est pensées, dans le fond, les pensées sont pas en ordre, il n'y a pas d'ordre chronologique à nos pensées, ça vient comme ça vient, puis c'est ça, on peut voir ça de deux façons, soit un journal, la manière dont il est présenté, ou des souvenirs qui lui reviennent, tu sais, c'est les deux, simultanément. Et qu'est-ce que ça raconte, ce journal-là? Parce que je pense que là, on touche un peu à l'autobiographique, d'une certaine manière. Oui, c'est sûr que là, il y a beaucoup de pensées, des réflexions que Patchouli fait, des événements aussi, des petites... des flashs, là, si on veut, des flashs de ses voyages, des rencontres qu'elle fait, c'est tout ça. Là. C'est vraiment un très beau livre. Je sais que tu as présenté il y a 10 jours... Le 1er avril. Le 1er avril. un film au Studio P. Je sais que ma fille est allée le voir, elle était très impressionnée et elle m'a déjà annoncé qu'après le cégep, elle part. Tant mieux si je lui ai donné le goût de... Elle l'avait déjà, elle n'avait pas besoin de ben pour se faire pousser. Tu présentes quoi dans ton film? C'est un film de type documentaire que j'ai réalisé cet été avec mon amie Valérie en Islande. Ouais. Puis c'est comme un, encore là, c'est drôle, ça revient un peu à Patchouli. C'est comme un journal de voyage, le film. Il y a très peu de paroles. C'est vraiment des images là, capturées. Puis je crois qu'en bout de ligne, les images placées les unes à la suite des autres veulent dire quelque chose. Mais c'est ça. C'est vraiment... je veux pas faire de cinéma nécessairement dans ma vie, mais j'ai pris énormément de plaisir là, à réaliser ça avec Valérie. En tout cas, ça a beaucoup plu à ma fille. Et elle m'a dit qu'il fallait qu'on l'achète et que nous, on l'écoute aussi. Bon. Je te remercie bien gros et j'ai très hâte au prochain livre. Je sens qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Ouais, ouais. Ça a l'air de bouillonner. Gros merci et un grand succès avec Patchouli. Merci beaucoup. Les bouquins d'abord, en direct du Salon du Livre. Je suis accompagnée d'Annie Cloutier. Bon, on va pas faire semblant qu'on se connaît pas. On est des vieilles copines. Des grandes chums, on pourrait dire. Des grandes chums. Et après trois romans, un essai, Aimé, Materné, Jubilé. Ta grande thèse là-dedans, c'est qu'on donne pas assez de place à la maternité dans nos vies. Et d'une certaine manière aussi à la paternité, ça dépend un peu du choix des couples, mais que tout s'en va au Québec à la superwoman qui fait tout. Oui, on fait des enfants, mais il faut qu'on aille travailler au plus tard, un an plus tard, et qu'on case les enfants et qu'on mette tout dans des petites cases dans la vie. Et là, je sais que tu en as donné énormément d'entrevues. Que touchons au nerf de la guerre et l'argent là-dedans. Et l'argent là-dedans. C'est quoi ta question exactement? Est-ce que tout le monde a les moyens de se payer? Parce que le grand argument qu'on entend toujours, oui, je le ferai. Moi, ce que j'ai toujours entendu le temps que j'étais à la maison comme maman, c'était « Ah, t'es chanceuse, tu ne travailles pas. » Claque derrière la tête. Dans mon essai, d'ailleurs. Oui, claque derrière la tête, parce qu'on travaille plus fort qu'à la job. Et l'autre, c'est « Mais comment vous faites financièrement? » Exactement. Alors, j'apporte plusieurs éléments de réponse à cette question-là dans mon essai. Premièrement, je rapporte l'histoire d'une femme que j'ai interrogée qui avait quatre enfants et qui disait, moi, s'il fallait que je sois sur l'aide sociale pour être proche de mes enfants, pour être attentive, pour vivre dans le calme, je le ferais. Oui. Parce que c'est ce en quoi je crois. Donc, il y a un élément de sens qui est à la base de tout ça qu'il ne faut jamais perdre de vue dans les décisions qu'on prend, les décisions financières, les décisions de couple, etc. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus favorisés au départ et qui ont plus d'argent, peut-être plus de marge de manœuvre théorique pour prendre la décision. Mais dans les recherches que j'ai faites et dans ce que j'ai vu autour de moi pendant toutes ces années... Oui, c'est ça, il faut le dire, tu es sociologue. Je suis sociologue, c'est basé sur mes recherches en sociologie. Et c'est aussi basé sur la vie que moi-même j'ai menée comme mère au foyer pendant 10 ans et que je continue dans le fond de mener un peu parce que je travaille à partir de la maison et que je continue de m'intéresser énormément à la question. Et donc, ce que je remarque souvent, c'est que plus les gens ont un niveau de vie élevé avec tout ce que ça entraîne, de cours pour les enfants, de sorties culturelles, d'habillement, de deux autos, de vacances dans le sud, etc., plus c'est difficile d'envisager de rabaisser le niveau de vie et de revenir à un rythme plus lent qui demande moins de consommation et qui fait que peut-être on va donner véritablement ce temps-là qu'on dit tellement désirer donner à nos enfants. Et donc, voilà, je pense que oui, effectivement, il y a un certain seuil où peut-être on ne peut plus faire le choix d'être à la maison pour des raisons financières. Mais je suis pas, en fait, c'est théorique, je suis pas certaine que dans les faits, il y a vraiment des gens qui sont trop pauvres pour être à la maison. Parce que la preuve, c'est qu'il y a énormément de gens, 60% des couples, qui réussissent à se séparer et qui y arrivent à vivre dans deux maisons différentes avec deux modes de vie, deux rythmes de vie différents. Et pourtant, quand ils étaient en couple, ils affirmaient de façon péremptoire que c'était strictement impossible pour eux de ne vivre que d'un seul salaire. Et donc, c'est pas pour juger du tout les choix que les gens font. Les gens ont profondément le droit de mener leur vie telle qu'ils l'entendent. Mais si vous faites partie de celles et ceux qui se disent que ce serait donc agréable d'avoir une vie plus calme, dans laquelle je pourrais voir plus souvent mes enfants, être plus présente auprès d'eux, plus présent auprès d'eux. Mais moi, je suis là pour vous dire, il y a bel et bien un espace de choix si vous vous arrêtez un instant pour réfléchir au sens que vous donnez à ce qu'est une vie bien vécue pour vous et à ce qu'est une vie de famille bien vécue pour vous. Oui. Vois-tu des pistes de solutions à un niveau d'État? Parce qu'on s'entend que ce qui nous pousse à vivre ce qu'on vit, c'est un peu, toutes les institutions sont là pour nous pousser vers cette double ou triple emploi de temps. Là. Ben exactement. Alors oui, il y aurait plusieurs solutions, mais ce serait un système incroyable à renverser. C'est pour ça qu'à l'instar de plusieurs sociologues, puis des vieux sociologues, là, des vieux routiers genre Alain Touraine, Gilles Lipovetsky, des gros noms qui ont déploré l'état de la société moderne depuis les années 80, qui en ce moment même sont en train de tout miser sur un certain retour de l'individualisme, entendons-nous bien, un individualisme très bien vécu qui est pas en opposition avec une conscience du bien commun, de la participation sociale, au contraire, je dirais. Oui. Et donc, par individualisme, on entend une capacité de chaque personne de revenir à soi-même et de se poser les questions, les questions du sens, de l'amour, du lien social, de la solidarité. Et je pense, moi aussi, que, disons, s'il y a des pistes de solutions, elle va se retrouver à ce niveau-là. C'est un niveau qui est macro tout en étant ancré dans chaque personne. Mais on est à une époque où on ne peut plus faire fi du fait que les gens désirent prendre eux-mêmes leurs propres décisions, mais où, en même temps, ils sont complètement influencés par la publicité, par des dogmes, dans le fond, de toutes sortes, hein, que, bon, tu es supposé travailler, tu es supposé gagner beaucoup d'argent, la réussite se fonde sur le travail sans arrêt, la performance, la compétition, etc. Et on a extrêmement de misère à prendre un pas de recul et essayer de déterminer si c'est vrai pour nous, si ça a du sens pour nous. Donc, moi, avec mon livre, je veux contribuer à ce genre de solution macro-là que tu demandes. Oui, mais il y a aussi, moi, je pense, bon, on s'entend que c'est surtout les mères qui restent à la maison. On fait quoi dans un monde où, justement, 60% des couples se séparent, où, finalement, c'est la retraite de la femme qui est en cause, parce que c'est elle qui va être pauvre plus tard si elle consacre 5, 10, voire 15 ans à la maternité. Encore là, il y a plusieurs éléments de solution, mais une des choses que je mets particulièrement en exergue dans mon essai, c'est si vous décidez d'être à la maison, si vous êtes une femme, parce que dans la plupart des cas, ça demeure ça, et que vous décidez d'être à la maison, ne laissez pas votre conjoint vous dire « Oui, chérie, je suis d'accord, c'est ton choix ». Le piège est là. Ce n'est pas ton choix, c'est notre choix. Mmh. Et autant le mari que les enfants, que la femme elle-même vont en profiter. Mmh. Et c'est à ce moment-là que le mari doit signer le contrat d'union de fait. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Mmh. Parce que c'est la seule garantie qu'on a qu'advenant de séparation, la femme va être protégée financièrement. Mmh. À part de ça, un autre des aspects que j'aborde là-dedans, c'est que ce n'est pas le fait de travailler ou non qui protège tant que ça les femmes financièrement. Moi, je connais personnellement plusieurs femmes, et les statistiques le montrent aussi, des femmes qui ont fait qui avaient une bonne éducation, qui font une bonne carrière et qui, au moment de la séparation, sont aussi très appauvries. Et c'est pas parce qu'elles ont passé des années à la maison près de leurs enfants, c'est parce qu'elles ont consacré leur argent à des biens périssables, à payer des vacances, par exemple, à vouloir payer des beaux vêtements à leurs enfants, des cours de ski, etc. Et tout ça, je le dis sans jugement aucun, c'est humain, c'est normal de vouloir ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Effectivement, la bouffe il va avoir un budget d'épicerie qui est établi dans le couple, mais la mère va avoir tendance à vouloir le dépasser pour « Ah, mais ce soir, on peut bien se permettre de la pizza, c'est le fun, ça va être agréable, etc. » Et encore trop souvent, l'homme, lui, pendant ce temps-là, thésaurise son argent, le met dans des REER, le met sur la maison, etc. Et même, bon, sans, moi, ma spécialité, c'est pas l'après-rupture, mais on sait aussi que même quand le partage a été égal pendant la vie de couple, après la vie de couple, peuvent se créer aussi énormément d'inégalités, même si la mère travaille à temps plein contre rémunération, parce que des ententes qui sont établies, mais les mères passent leur temps à payer plus que ce qui avait été établi pour toutes sortes de raisons, alors que les hommes sont plus capables de dire « Non, moi, j'avais dit que je paierais telle chose, je ne paye pas une scène de plus. » Et encore là, il n'est pas question de juger qui que ce soit. Non, mais la recherche montre que c'est comme ça que ça se passe. Donc, les raisons pour lesquelles les femmes s'appauvrissent tant après une séparation peuvent être parce qu'elles n'ont pas autant travaillé que les hommes pendant l'union, mais ça peut être aussi pour toutes sortes d'autres raisons. Et la dernière question que je pose à ce sujet-là dans mon livre, c'est est-ce que c'est si grave de s'appauvrir? C'est-à-dire que tout le monde s'appauvrit forcément après une rupture. Et ben, si cette rupture-là avait assez de sens pour accepter d'être appauvri au moins pendant un bout de temps, ben, il y a des questions à se poser à ce sujet-là aussi. Donc, la question que je pose, c'est est-ce qu'il faut que chaque femme puisse gagner décemment sa vie ou est-ce que chaque femme doit gagner nécessairement autant d'argent que son ex-mari? Une question quand même pertinente oui, à se poser. Oui, tout à fait. Évidemment, ton sous-titre, c'est l'impensée féministe au Québec. Je pense que ça aurait pu être en Occident. Oui, peut-être, parce mais je suis pas France, d'accord. Pas en Allemagne, mais en France, oui. On s'entend. Oui, mais en France, oui. Ni aux Pays-Bas. Non, c'est ça. Ni aux États-Unis. Excuse-moi, j'arrête dans oui, mon énumération. Mais c'est vrai. Mais il reste quand même qu'en Europe, à part l'Allemagne et les Pays-Bas, il y a quand même cette poussée aussi vers le travail. As-tu d'autres projets, essais, romans? Qu'est-ce qui se mijote? Moi, j'ai beaucoup aimé écrire un essai. On peut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, m'a appris ma grand-mère. Donc, je dis pas que je reviendrai pas au roman, mais pour l'instant, ce que j'aimerais beaucoup, c'est tirer un essai du même type, assez grand public, de ce à quoi je travaille pour mon doctorat en ce moment, c'est-à-dire la vie de couple. Donc, j'aimerais beaucoup parler des couples dans un prochain essai, mais j'ai pas une ligne d'écrite. Je suis encore dans la promotion de celui-là. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de ce que ça signifie du sens, encore une fois, qui est une notion sociologique qui m'intéresse beaucoup. Là, on peut parler de ton blog. Parce qu'à presque chaque semaine, tu livres un texte qui a toujours une approche justement vers c'est quoi le sens de ce que je fais? Ben on pourrait le dire comme ça. Moi, ça, c'est ce qui me vient spontanément, mais je pense que s'il y avait un terme qui décrirait ma recherche ou mes envies d'écrire ou ce qui me questionne dans la vie, ce serait certainement le sens pour une athée agnostique apostasiée. Oui, c'est peut-être une question tout à fait naturelle. Ben, on n'a pas besoin d'y croire. Aussi, hein? Ben, on croit au moins dans la maternité, toi et moi. Oui. Je te remercie, Annie. On va se retrouver. Tu vas venir lire des textes à l'émission. Et avec je grand plaisir. Te souhaite un très beau salon. Je vais annoncer tantôt ta table ronde de cet après-midi, ce soir. Oui, ce soir de 6h à 7h avec d'autres femmes extraordinaires. On va parler de maternité en littérature. Je vais annoncer ça. Je te remercie. Merci de ton invitation, Berbelle. retour à l'émission Les bouquins d'abord, en direct du Salon du livre, toujours avec Barbe Rank. Je suis maintenant accompagnée de Maude Veilleux. Bonjour Maude, ça va bien? Oui, ça va bien. Je vous ai remarqué avec un recueil de poésie, Les choses de l'amour à Marde. Très beau titre. Vraiment, vraiment. Faut dire que, étant allemande, je me sens toujours un peu incompétente en poésie. Fait que j'en parlerai pas trop parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a comme un troisième, quatrième, cinquième niveau qui m'échappe complètement. Et j'étais très contente quand j'ai vu l'annonce du Le Vertige des insectes chez Amac. Et j'ai tout de suite appelé l'attaché de presse en disant « Je veux le livre, je veux recevoir la fille, je veux savoir ce qu'il y a derrière ça. » C'est quoi Le Vertige des insectes? Bon, raconte l'histoire de la dérive de Mathilde après la mort de sa grand-mère et de sa blonde qui part pour quelques mois. Oui. Et là, ça va pas bien. Non, exactement. C'est un peu une espèce de chute, là. Son lien avec l'extérieur après le décès de sa grand-mère s'écroule à le pilier, puis le fait que sa blonde quitte, ben là, ça fait juste ajouter là, le fait qu'elle se renferme chez elle. Mais elle se pose des questions. Étant lesbienne, il y a comme ce vœu d'enfant qui apparaît. Oui, ça t'arrive où, ce genre d'histoire? Parce que j'ai des copines lesbiennes, je sais qui ont ce besoin-là, qui veulent des enfants, mais ils y jouent un peu autrement que Mathilde. Oui, je pense que oui. Mais faut dire qu'à la base, je me questionne aussi personnellement beaucoup sur le genre, puis les orientations sexuelles. Mm-hmm. Donc, disons que je crois pas que ce soit absolument ferme. Donc, je voulais pas non plus que ça devienne pardonnez-moi le choix du mot, mais un statement là, de mettre un personnage qui soit bisexuel. Je voulais qu'elle soit homosexuelle, mais peut-être d'une façon un peu floue. Oui. Puis en même temps, elle prend pas vraiment non plus plaisir du à tout. Travers. En tout cas, j'ai pas l'impression avec les garçons. Là. Non, c'est vraiment à des fins de tomber enceinte. Exactement. Ouais. Ouais. Et ce que moi je trouve particulier, parce qu'elle tombe en dérive, elle va chercher cet enfant-là auprès de son meilleur ami qui comprend pas du tout ce qui lui arrive. Non, absolument pas. Et je me pose la question sur cette amitié-là. Mais c'est quoi comme amitié? Lui, il y en voit pas? Non, je pense que non. Ben, wow! C'est vrai, hein? Absolument. Mais je pense qu'elle l'utilise, absolument. Ensuite, c'est vrai que lui est pas conscient de ce qui se passe. Ils ont vraiment un rapport malsain, là. Très, hein? Oui, très mal. Parce que le choc, il meurt, il s'en rend pas compte. On dirait qu'il n'est pas là du tout. C'est vrai que c'est un personnage peut-être qui est juste un faire-valoir, finalement. Mais je le sentais quand même comme personnage. Okay. C'est ça ce qui est particulier, parce que je le sens très là, ouais. Mais il n'est pas là. Mais il n'est pas là. La tête est absente. Comment on crée des personnages comme ça? Je sais pas, je suis juste capable d'imaginer que c'est peut-être ma vision des hommes, c'est terrible, là, mais c'est pas ça, c'est pas vrai, je veux pas, non. Je veux pas aller là. J'espère qu'il y a pas un homme dans la rue qui vous écoute. C'est terrible, mais non, c'est pas ma vision des hommes du tout, c'est pas ça. C'est qu'au départ, je voulais absolument que ce soit centré sur le personnage principal, puis comme la blonde quittait, ben c'était facile, elle est comme toujours un peu là. Mm-hmm. Mais elle n'est pas là en même temps, genre, tu sais, elle a en pensée. Oui, parce qu'elle a moins de consistance que Thomas, je Thomas, pense. Oui. Oui. Thomas qui est toujours là, mais en même temps qui est psychologiquement pas très impliqué dans tout ce qui se passe. Je pense qu'il vogue. Oui. Il vogue. Ouais. Parlons de la grand-mère. Oui. Moi, juste pour dire, pour cette série d'émissions que je fais ici du Salon, 5 émissions, j'ai lu une trentaine de livres dans les 5-6 dernières semaines, et il y a comme quelque chose qui revient tout le temps. Votre génération enterre ses grands-parents, les plus vieux enterrent leurs parents. C'est quoi le rapport avec la génération des grands-parents qu'on a... En quoi c'est plus important que le rapport avec les parents ou différents? Bien, c'est vrai que ma génération, on est assez près de nos grands-parents. Mes amis sont assez près. Peut-être parce que les familles sont plus petites, peut-être parce que Je pense que moi, je racontais beaucoup plus de choses à ma grand-mère qu'à ma mère, évidemment, parce que je ne voulais pas que ma mère connaisse mes histoires. Puis, en même temps, j'ai l'impression que nos grands-parents, ils nous aiment coûte que coûte. Nos parents aussi, mais nos grands-parents, tellement d'une autre façon. Il n'y a jamais de gêne, j'ai l'impression. Puis, ouais. Qui n'ont pas besoin de vous élever, ça pourrait y être exactement, pour quelque oui. chose. Ils n'ont jamais besoin de faire la discipline non plus. C'est pour ça qu'on est à l'aise de... de leur raconter nos folies. Est-ce que ça vous préoccupe que c'est cette génération qui part, parce que c'est comme le premier rempart vers la mort qui part? Oui, absolument. Ouais. C'est préoccupant. Hein? Avant que ma grand-mère décède, j'avais encore l'impression que... Je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression-là, parce que c'est complètement ridicule, mais que les gens autour de moi mourraient jamais. Il y avait une bulle autour. Puis quand ma grand-mère est décédée, j'ai compris que non, que tout le monde que je connais, finalement, vont finir par mourir. Puis, ouais, c'est les personnes les plus âgées que je connaissais, donc c'est aussi les premières, c'est le premier rapport à la mort. C'est aussi, souvent, justement, le premier rapport à la mort, mais la première fois qu'on va voir quelqu'un mourir... Quand ma grand-mère est décédée, on était tous là. C'était magnifique, les petits-enfants. Vous venez de la Beauce, oui, et ça fait que vraiment, il y a eu exposition. Et, oui. Et vous avez veillé votre grand-mère. Oui, oui, et, tout à fait. C'était aussi, je pense, ce qu'elle voulait. C'est assez traditionnel. Oui. Ben, disons que mes cousines les plus jeunes n'étaient pas là. T'sais, un enfant de 5 ans, c'est un peu difficile. Mais tout le monde qui... disons, tous les petits-enfants qui avaient entre 13 ans, on était tous là. C'est comme un grand party autour du lit, là. OK, ça vous est arrivé. Triste, vous aviez quel âge quand c'est arrivé? Je devais avoir 22 ans. Ça fait pas tellement longtemps. OK, vous étiez quand même une jeune adulte. Vous étiez chanceuse. Oui, vous étiez chanceuse. Retournons à Mathilde. Cette incapacité de communiquer, avez-vous l'impression que c'est quelque chose... qui arrive à un moment donné dans la vie nécessairement après un choc émotionnel, ou c'est quelque chose qui arrive pas à tous, qui arrive à des Mathilde et pas à d'autres personnes? Je pense que ça arrive à des Mathilde. Je pense que ça arrive pas à tous. J'ai l'impression. Je pense que ça pourrait peut-être arriver à tous, mais je pense que ça arrive surtout à certaines personnes. Mathilde, disons, en quoi est-ce qu'elle est différente? Je pense qu'elle est très fragile. Hyper fragile et comprend pas toujours bien le rapport avec les autres. Parce qu'elle a l'air très encadrée au départ. Ouais. Mais je pense que ça commence, puis elle va plutôt bien. Mais dès que cet encadrement tombe, elle tombe aussi. Elle a besoin de ça. Elle a besoin des personnes très près d'elle pour la soutenir. Oui. Ça fait que, dans le fond, elle n'est pas capable toute seule. Non. Je pense que non. Je pense que non. Ça fait que les insectes, c'est des bibittes. Oui. C'est des bibittes, oui, absolument. C'est ça, ouais, hein? En tout cas, c'est l'image. Je sais qu'il y a des vrais insectes dans le livre. Ça, ça m'a moins ravie, personnellement. Le rôle des femmes dans ce livre-là. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Ouais. Et très différentes. Oui, absolument. Pour vous, les femmes, nous, est-ce qu'on porte d'autres choses que les hommes, ou on porte les mêmes choses? Oh, wow! C'est une grosse question. J'imagine que par notre éducation, on porte autre chose. Oui. Oui, je pense qu'on porte... Oui, oui. Déjà dans la parole, déjà dans... On est plus introspectif, peut-être. En même temps, je ne vais pas avancer trop de choses sur les hommes, là. Les hommes, c'est pas possible. Moi, j'ai toujours cru qu'on communique un peu plus. Oui, je crois que oui. Mais on est éduqué aussi à communiquer un peu plus. Ouais. Donc, Puis des personnages aussi, il y a des femmes là-dedans qui sont... Jeanne, qui communique. Là, c'est pas... Oui, c'est ça. Qui, elle communique. Parce que c'est ça, là, on voit de tout. Et la grand-mère avait l'air forte aussi. Absolument. À sa manière. Ouais. Écoutez, avez-vous d'autres projets? On va finir sur cette question-là. Est-ce qu'il y a déjà, parce que, il y a quand même, c'est pas le premier livre, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le prochain? Je travaille aussi encore sur de la poésie, puis un nouveau roman. Ouais. Ah. Donc, je travaille là-dessus. C'est vraiment... j'ai commencé dans les débuts. Ouais, ouais. Puis c'est très, très différent du vertige des insectes. C'est peut-être un peu comme entre les deux. J'essaie peut-être de rallier la poésie puis le roman qui sont dans des genres... Ben, mon approche en poésie est extrêmement différente de mon approche dans l'écriture de roman. Ouais. Donc, je pense que j'essaie de joindre ça. J'essaie de... Parce que parfois, j'ai l'impression d'être une schizophrène de l'écriture. Ça part partout. Ben, je comprends. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu. Maude Veilleux, Le vertige des insectes et aussi le très beau recueil Les choses de l'amour amarde. Vraiment, ce titre-là, là. Attends. Chez Écrou. Ah, on peut vous rencontrer au salon? Oui, je suis en signature ce soir de 18 à 19 h, puis demain et dimanche aussi. C'est dans la programmation, ouais, tout le monde peut trouver ça. Je vous souhaite un beau salon. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand de quartier au service personnalisé. Depuis 25 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux. C'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 Boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. Le Radioton de CKRL fut couronné de succès grâce à votre dévouement et à la collaboration de nos partenaires de premier plan. La Caisse de Limoilou, Télé-Québec, la Mesure Première Ovation et la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Le Salon international du Livre de Québec, sous la présidence d'honneur de Marie Laberge, accueille cette année un record de 1100 auteurs. Venez rencontrer vos écrivains préférés, Daniela Ferrière, Alexandre Jardin, Marie-Claire Blais et plusieurs autres. Laissez-vous séduire par les nombreuses découvertes littéraires. Jeune lecteur ou lecteur aguerri, vous aurez l'embarras du choix. Plus que jamais, le Salon international du Livre de Québec vous propose de la diversité. Du 9 au 13 avril, au Centre des congrès de Québec. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Ciccio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. Notre chef vous concocte avec amour un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le tout orchestré par un personnel attentionné et sympathique. Profitez de nos spéciaux tous les midis et découvrez l'harmonie des tables d'hôtes le soir. Surveillez également nos rabais dans le passe-partout Bonne Chère. Pour réservation, 418-525-6161, menu disponible sur chichocafé.com. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre. On est devant l'entrée. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je suis accompagnée d'une belle tablette de gars. J'ai à côté, bonjour. Salut, bonjour. Richard Sainte-Marie, Benoît Boutillette. Je vous invitais, après la sortie du très beau recueil de nouvelles policières, Crime à la librairie, et on n'en parlera pas. OK, parfait. Out. Moi, les questions, quand j'ai vu ça, tous ces noms-là, c'était c'est quoi le polar québécois? Richard, je te fais commencer. Je sais que tu es le plus pressé. Et t'es l'aîné. Si tu lis les livres de Norbert, on peut passer là-dessus. Norbert Spinner, si tu lis ses livres, on s'aperçoit en lisant ses livres que ça existe depuis longtemps, le polar québécois. Ça fait un siècle. Oui, que ça, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui nous différencie, notre polar, avec le polar américain, français, allemand? La langue est différente, important. La langue est différente, oui. Les situations sont différentes. L'humour est un peu, quand il y a de l'humour, c'est pas le même que l'humour français. Et moi, je dis, la différence est surtout à venir. C'est-à-dire que plus on sera québécois dans nos polars québécois, mieux ce sera. Oui. Si, par exemple, si on aime le polar suédois ou scandinave, mettons, nordique, on l'aime pour certaines raisons, certains lieux, certaines descriptions, ce qu'ils mangent, comment ils pensent, comment agit la police. Par exemple, dans Scandinavie, les policiers sont plus fonctionnaires qu'ici, etc. Bon, on a une image. On a une image de... Ben, c'est ce que les personnages disent. OK. Le peuple engueule la police ici. Tu peux pas engueuler un policier ben longtemps, là. Puis si tu lis les romans américains, c'est l'américanité aussi qu'on voit. Mais quand nos polars seront encore plus québécois, pure laine, je pense que là, peut-être qu'il va y avoir un engouement des autres, de l'autre partie de la francophonie pour nous. Ça fait que toi, tu dis qu'on est en route vers... Ben, on est déjà, mais on y est déjà, sauf que la reconnaissance n'est pas encore tout à fait là. C'est ça le problème. Puis la reconnaissance aussi de nos propres concitoyens. Ils sont pas. Ils achètent d'abord les best-sellers traduits. T'sais. Bon. C'est Dan Brown. Oui, ben voilà. Mais j'aurais tendance à dire que c'est pas face aux autres littératures que le polar québécois est différent. C'est face à la littérature québécoise tout court. Et c'est pas moi, c'est pas original. C'est une chercheuse polonaise qui s'appelle Sylvia Savitska qui a fait une thèse donc pour démontrer que. À partir de 1980, tout le corpus social a été évacué de la littérature du Québec. Donc, on ne parlait plus de la société, des thèmes, des... On parle de soi, On parle de soi, on se définit, etc. Et que c'est avec l'avènement du polar québécois que le corpus social est ramené à la littérature. Et donc, le roman policier a toujours servi à faire un portrait de la société avec ses tendances fortes, etc. Mais le roman québécois, le polar québécois, et, à mon avis, l'endroit où la société peut le mieux se reconnaître présentement, avec ses tensions, avec son désir d'harmonie, avec ses quêtes de justice, que ce soit sociale ou peu importe, mais parce que c'est toujours les thèmes qui sont utilisés, c'est toujours la justice, le bien, le mal, etc. On est dans un discours éthique depuis quelques années. Il y a le catharsis aussi. Absolument. Ça fait beaucoup de bien, c'est pour ça qu'on lit le polar. Toi, tu crées une série qui est assez politique et très calquée dans une société autour de Daniel Duval. Ça fait que toi, tu te reconnais là-dedans, dans ce polar québécois. Oui. Si on prend ma première série, c'est clair que j'ai ancré ça dès le départ. T'es en 1976, dans le premier, et t'es vraiment là à cette époque-là. On est en plein, c'est le début, le PQ vient d'arriver au pouvoir. Tu sens qu'il y a un enthousiasme, que les gens sont prêts à aller de l'avant, à défendre leur langue. Je me rappelle dans le Nébulosité croissante en fin de journée, que surtout qui est un roman policier avec une intrigue et c'est ce qui est le plus important dans le livre, mais en même temps, en toile de fond, tu as la guerre des gens de l'air. J'avais voulu montrer ça avait été quoi, comment les contrôleurs québécois et les pilotes avaient dit à l'Association des pilotes canadiens-anglais, il n'est pas question qu'on fasse atterrir nos avions en anglais au Québec. Eux autres disaient pour des raisons de sécurité, vos avions devront atterrir à partir de maintenant en anglais. Et on s'est tenu, je ne sais pas si on pourrait faire ça encore aujourd'hui, si on nous l'imposait, mais les pilotes, je me rappelle quelqu'un qui dit, il n'y en a absolument pas question, on va faire atterrir nos avions en français. Puis on a une très, très bonne moyenne, il y a peu d'accidents au Québec, on ne s'est jamais arrivé, on a posé nos avions, c'est arrivé très rarement. Donc en 76, tu sais, c'est là, c'est en toile de fond, tu entends ça à la radio, dans mon roman, on en parle un peu, mais ça parle de l'époque aussi. Mais si ça ne t'intéresse pas, cet aspect-là, tu passes par-dessus. Et tu lis le polar. Une petite question, j'ai l'impression que le polar québécois est très urbain. Urbain. Geneviève Lefebvre, ça se passe à l'extérieur. Il y a François Lévesque qui sort de la ville. Trois, vous êtes pas mal en ville. Toi, t'es sorti une couple de fois, Jacques. Mais, moi, ça se passe à Montréal pour mes romans jusqu'à date, mais le prochain, ça se passe à Québec. Merci. Mes nouvelles, ça se passe à Québec. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça, c'est La première fois, le premier roman que j'ai écrit, je faisais comme tous les débutants, j'essayais que ça soit universel, pas de nom de ville, pas de nom, puis avec un nom ambigu qu'on ne sait pas si c'est un Américain ou, par exemple, je ne sais pas, mais il y a des noms qu'on peut dire ça en anglais ou en français. Trop de lectures de Ed McBain? Dans le genre, tu sais. Et à la relecture, je me suis dit, non, il faut ancrer ça, il faut mettre les noms de rue, il faut mettre les noms des restaurants, il faut mettre le kilométrage entre Québec et Montréal. Bon, faut indiquer les choses, il faut ancrer ça dans le vrai. Puis je me suis aperçu que de toute façon, il y a la moitié, sinon plus, de mes histoires qui sont des histoires vraies, qui sont empruntées à des concitoyens ou à des amis, parents et amis. Alors, des fois, elle me dit, ah, t'as beaucoup d'imagination, mais excuse-moi, mais c'est vrai. Non, ça peut pas être plus québécois que ça, là. C'était vécu par des gens d'ici. Alors, il faut. Tu t'inspires des faits vécus ou. Non, mais pas des événements. Parle de l'intrigue. Pas des événements précis. Okay, parce que là, tu m'inquiétais, là. Non, pas des événements. Non, puis j'ai jamais tué ma femme, là. Pas la biographie de Jacques Côté va sortir l'année prochaine. Et là, ce sera un vrai récit d'horreur. Et d'incarcération. Non, bon. Ben oui, ça s'en vient. Ça, l'affaire de crime et de sexe. Non, je ne suis pas un maniaque sexuel, rassurez-vous. Hein. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Non, on n'a pas peur. Mais pour revenir, revenons donc à une question. La régionalisation du roman policier, moi, j'aime bien cette tendance-là de sortir de la ville. Je l'ai fait dans le chemin des brumes, mais ça m'a beaucoup plu. T'es allé dans le Charlevoix. Lac-Saint-Jean. Réserve faunique des Laurentides. Et dans le prochain, Arel et Duval, je suis dans la Beauce. J'aime beaucoup la Beauce. La Beauce, c'est un milieu particulier. On parle de microclimat, là, mais la Beauce au Québec, pour moi, c'est un peu notre Texas. Le Texas du Québec, c'est la Beauce. Pas sûr que ma famille va aimer ça d'entendre. Ben, non, mais ben, des gens qui sont des entrepreneurs, autosuffisants, des self-made men, c'est très différent. Puis je les vois, même les Beaucerons dans mes classes, les Beaucerons se définissent, on est spécial. On est différent, me disent. Et ça m'a tenté de camper la prochaine histoire en grande partie près de la frontière américaine, encore plus profond, le plus profond possible dans la Beauce, près de Jackman, Saint-Martin. Et ça a une incidence directe sur l'histoire, que ce soit les accents, l'accent des gens, que ce soit la mentalité. L'acceptation de l'anglais aussi. Ouais. Je pense que c'est la seule région qui accepte aussi facilement l'anglais que Montréal. Oui, mais il y a un petit problème avec les accents et tout ça, par exemple, parce que moi, j'ai rencontré par hasard une lectrice française qui avait acheté mon livre en France. Par électronique. L'Inaveu? Oui. Et elle me disait que... Ben, c'était une amoureuse du Québec, il faut dire. Elle me disait que chaque fois qu'il y avait des dialogues, là, c'était un peu plus difficile pour mais elle. Mais tes dialogues sont pas si québécois. Mais pour un français, ça? Oui. Puis pour ses amis, oui. Alors, il a fallu qu'elle explique quelques expressions. Pour nous qui sont courantes, comme toi puis moi, là, le « pi », là. Okay. En France, ils pensent que ça veut dire « pi », là. Ils ne savent pas que c'est pipi, ça veut dire pluie. Il y a des détails comme ça, mais si tu les additionnes, ça, c'est peut-être ça qui fait un petit frein au lecteur suisse. Moi, je ne comprends pas. C'est inacceptable. On est capable de lire Louis-Ferdinand Céline. Oui, mais exact. Mais eux ne sont pas capables. Non, mais on l'a fait. On a lu Céline, on l'a aimé, on l'a apprécié. On a fini par savoir tel mot, ça veut dire à peu près ça. On finit par comprendre le sens des expressions de Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, c'est un auteur joual, mais français. Ouais, c'est beau. Et puis, on est capable de lire sa brique de 500 pages sans dire, l'ours, c'est pas ici. San Antonio aussi. Ah non, mais ça fait chier. Ce que témoigne un peu un recueil comme Crime à la librairie, c'est ce que les critiques ressentent jusqu'à maintenant. Donc, on est à l'émergence. Effectivement, le genre est établi. Okay? On a nos auteurs de polar. Cependant, la diversité du genre, elle est en train donc de foisonner. Et on aura peut-être ici au Québec bientôt suffisamment de place pour avoir notre Fred Vargas et surtout, donc pour revenir à ce que vous disiez, notre Andrea Camilleri, l'écrivain le plus lu et le plus vendu présentement en Italie. C'est un auteur de polar qui écrit en sicilien avec des idiomes, des régionalismes. La majorité des gens ne comprennent pas le sens. Il est traduit admirablement en français par un provençal. Oui, exactement, qui reprend comme un rythme, tout ça. Tu ne comprends pas. Et on y arrive. Et les traductions allemandes sont pourries. Non, c'est vrai. Il n'y a pas un dialecte qui s'approche du provençal. Ouais. Parce que ça devrait être du bavarois, mais le bavarois est plus rude. Ouais. Ouais. Ça ne marche pas. Mm-hmm. Ça ne fonctionne juste pas. Fait qu'ils l'ont traduit dans un allemand standard. C'est pourri. Pas bon. Mais il faut tenir conclusion. Il faut rester québécois. Il ne faut pas écrire en français de France pour vendre en Suisse et en France et en Belgique. Ouais. Il faut continuer. Il faut être de plus en plus, c'est ce que je dis, il faut être de plus en plus québécois. Mais on est passé par-dessus le créole. C'est fini, ouais, là, c'est le fini, choix créolisé, l'écriture. Moi, il y avait une question que j'aurais voulu poser à Martine Latulippe qui a perdu la voix. Je vais vous la poser. Vous avez sûrement une opinion là-dessus. Le rôle des femmes dans le polar québécois, il y en a, on le sait. Martine Latulippe, c'est un bon exemple. T'as nommé Geneviève Lefebvre aussi. Christine, ça fait longtemps. Christine Bouillette, depuis toujours. Joanne Seymour, qui est une enquêtrice. Qu'est-ce qu'ils apportent comme différence? Qu'est-ce qu'elles apportent que vous pouvez pas faire? Je pense qu'il y a un côté humain qu'on n'a pas, les gars. Plus d'intérêt pour la personne. Et non, pas à l'opposé de l'histoire, non. C'est pas en compétition avec l'histoire. Mais il y a plus d'attention pour les détails de la personne. Mais c'est comme ça que sont les femmes, de toute façon. Je ne veux pas tomber dans le très gros trait, là, mais il y a chez les femmes un rapport au concret. Ouais. Qui parfois nous échappe. On est nous dans les thèmes. Nous, on est dans la mythologie, là, le bien contre le mal. C'est faux ce que je veux dire, mais le roman de la femme est un peu plus près de la procédure et s'attarde donc au contour du quotidien. Mais tu sais, on dit ça, mais meilleur auteur de procédure policière, ça demeure un homme, tu sais, Conley, etc. Donc, mais c'est vraiment. C'est ça, un sentiment du quotidien peut-être un peu plus présent, forcément, parce que vous êtes plus attentive à la vie courante. Je pense à Pagliaro. Comment il s'appelle, Pagliaro? Il est quand même proche. Il est dans son quotidien, là. Lui, je le sens très dans son... Plus que Daniel Duval, plus que Benjamin Sioui. Il s'intéresse vraiment... Il fait autre chose que la police. Il fait la philosophie. Il s'intéresse à la philosophie. Puis lui, il croit qu'en parlant aux gens, en les convainquant que tu es sûr que c'est lui le coupable, que tu as la preuve, si tu lui démontres au coupable les preuves que tu as contre lui, tu n'as pas besoin d'armes pour l'arrêter. Tu n'as pas besoin de poursuite policière. Et ça peut se faire dans l'élégance. Ça peut se faire aussi dans le respect. Moi, je connais actuellement des policiers qui sont des gentlemen. Et qui arrêtent les bandits d'une façon gentleman, qui ne mettent pas les menottes serrées, qui ne bousculent pas les gens, qui leur disent, écoute, regarde, bien, voici l'évidence. Ouais. Assieds-toi, là, regarde. Ça existe. Moi, j'aime ça. Et c'est pour ça que mes choses ne sont pas très sanglantes. C'est intéressant ce que tu dis. Avez-vous tous les trois des contacts dans le milieu policier? Ouais. Moi, chez les motards, sérieux. Mais je veux juste dire, par rapport au texte ça nous intéresse. Oui. Mais au texte de Richard, moi, je fais la lecture à ma blonde le matin, quand on se réveille. Puis, quand j'ai lu la nouvelle de Richard Sainte-Marie à ma blonde, elle a dit... Dernière dans Libye? Oui, celle dans Crime à la librairie. Okay. Elle a dit, enfin, deux flics de deux corps policiers différents qui sont capables de s'entendre puis d'avoir des rapports cordiaux. On est rendu là aussi, on est sorti un peu, pas des clichés, mais des tropes du genre, tu sais. C'est drôle, hier, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle dit, je suis policière. Ben oui, c'est une belle femme. Patrouilleuse, l'ASQ, puis fait toute joyeuse. Tu sais, je la voyais pas avec un gun. Sincèrement, là, c'est un peu sexiste ce que je vais dire, mais d'une douceur, d'une gentillesse, mais qui adorait son métier. Je sais que tu aimerais faire de l'enquête éventuellement. Elle dit non, j'aime trop la patrouille. C'est l'adrénaline, on ne sait jamais ce qui nous attend. Mm. Et puis, je m'entends bien avec mon coéquipier, mais elle m'a dit qu'elle avait travaillé avec des plus vieux policiers aussi, et que c'est des méthodes, mais totalement différentes. Elle dit, je les écoute parler, puis je me dis, c'est pas du tout ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école de police, alors que c'était les anciennes manières de faire. Jamais j'oserais faire ça. Puis eux autres, c'est naturel, c'est ancré, puis on le sent tout de suite, c'est l'ancien. Génération, la vieille génération. Moi, j'ai travaillé une fois à l'école de police pour le 1%. Puis l'ancienne directrice, une petite femme, qui n'était même pas policière, qui était directrice, je pense qu'elle était sociologue. Puis elle disait qu'elle voulait que l'école nationale de police devienne comme une école du FBI, que chaque policier dans le futur soit muni d'un diplôme universitaire, etc., etc. Visiblement, ça n'a pas marché, parce que peut-être que l'ancienne garde est restée, les enquêteurs costauds et bon. Mais tu vois, il reste c'est pas tout blanc ou noir. Hein. Moi, j'ai un ami qui a fait l'école de police et quand il est arrivé à Nicolet, il a lâché parce qu'il s'est dit « Il n'est pas question que je passe ma carrière avec des imbéciles comme ça. » Et lui, il voulait être enquêteur, mais il voyait... Et pourtant, c'est un homme costaud. Là, t'sais, il aurait pu... Non, la bêtise qui l'entourait. Et donc, mais c'est pas ça qu'on retrouve sur le terrain. Chaque fois qu'on parle à des policiers, donc en fonction des gens qui se présentent ensuite, donc à qui on fait appel pour nos romans, c'est des gens qui sont éminemment instruits et très intelligents. Faites-vous appel à d'autres spécialistes? Dans ton cas, Jacques, je m'en doute. Toi, Richard? François, qui est qui est biologiste judiciaire, qui travaillait au laboratoire de sciences policières, qu'on a visité d'ailleurs l'année passée. Et pour des détails techniques, il est toujours disponible. Il est policier, un avocat, pour des trucs, des fois, de technique, là, parce que, tu sais, il y a des choses, faut pas se tromper. Mais au pire, ce qui est drôle, c'est que quand on se trompe et que l'éditeur s'en aperçoit pas, ben, les policiers, des fois, ça les choque, ils mettent les livres de côté, parce qu'il y a des policiers qui nous lisent, il y a des policiers qui sont abonnés à Libye, mais il y en a qui disent, c'est pas grave, c'est de la fiction. Ouais. Et moi, ça me plaît. Parce qu'un flic qui voit une erreur de technique dans ton enquête littéraire, il dit, c'est pas grave, c'est de la fiction. Mais c'est ça, ceci n'est pas une pipe. Là. Ceci est une invention. Et lui, il aime l'invention, puis il dit, ça me sort du vrai travail de police qui n'est pas tout à fait comme ça. Ouais. Mais c'est surprenant maintenant le nombre de policiers qui viennent nous voir dans les salons du livre depuis... une dizaine d'années, des policières, des enquêteurs, des spécialistes, des scientifiques, des gens de la police scientifique. C'est intéressant de voir leur intérêt pour notre travail. Nous, on s'intéresse à leur travail, ils s'intéressent aux nôtres. C'est comme pas du donnant-donnant nécessairement, mais c'est facile d'avoir accès à ces gens-là maintenant pour nous. Ça, c'est quand même chouette. Vous avez tous les deux, Jacques Côté, Richard Sainte-Marie, des personnages qui sont pas si... des enquêteurs qui sont pas si poqués par la vie. Mais toi, Benoît, Benjamin, c'est si l'image oui... C'est oui, poqué par la vie. Non. Benjamin, il sera mieux, hein? Oui, un petit peu. Il va mieux. Il venait des crimes reliés à l'art. Donc, en partant, c'était une tranche plus marginale de la police. Il a été amené à enquêter donc sur une affaire de meurtre. Il est resté... mais, tu sais, quand j'ai commencé à écrire, j'avais 33 ans, j'étais baveux, je disais... Je trouvais qu'il manquait ce type de personnage-là, un peu au comme Québec. La classe au Québec. Fait que je suis allé... J'ai aujourd'hui l'âge que Benjamin a toujours eu dans ma tête, 45 ans, 46. Il est plus posé. Il a fait face, mettons, à ses démons. Puis on va tendre vers à la fois des romans plus le contraire de malaisé, pas aisé, mais des agréables à lire. Et sa langue va être moins revêche, va être moins rebelle aussi. Fait que, mais c'est vraiment, à la base, Benjamin, si oui, je le rappelle, c'est parce qu'on n'avait pas de personnage, figure emblématique d'origine autochtone dans notre culture populaire. C'était la volonté derrière donc cette proposition-là. Benjamin, bon, parce que j'en ai côtoyé, j'ai des amis qui sont Innus. Il y a un aspect rebelle. Et donc, Benjamin ne pouvait pas être docile. C'est ça. Mais non... Donc, je trouvais ça quand même intéressant qu'il y a un personnage qui sort un peu du lot. Écoutez, c'est déjà tout le temps qu'on avait. C'est fou, hein, comment ça passe. C'est un très beau recueil. Pas juste merci. Comme objet, pour le contenu. Et très, très réussi. Oui, j'aimerais très, juste, très, si très je peux réussi. Me permettre, oui, la beauté oui. Donc, du recueil écrit Manette Burelli, c'est que chaque texte est représentatif des 16 auteurs qui oui, sont... Oui, exactement. Il y a une courte biographie de chaque auteur, ce qui est intéressant. Oui, c'est très bien. Et il y a des styles qu'on découvre là-dedans. Il y a des nouvelles qui sont somptueuses. Jacques, toi, tu te révèles, là, je te connais comme gars, connais, comme ça. Fait que pour la première fois, je t'ai reconnu dans un texte. C'est vrai, et c'est vrai. Très bien. J'ai adoré ça. Il y a aussi ce que moi, j'adore là-dedans, de vous amener à parler du même sujet, et c'est pas le même sujet. C'est drôle, hein? Oui, C'est magnifique, il n'y a rien qui se répète. Ça pourrait être une belle thématique. Moi, je le referais l'an prochain. Ouais. Crime à l'hôtel, là. Oui, crime au salon du livre. Salon du livre. Non, mais là, tout le monde aurait la même. Mais effectivement, assassiné. Vous tuerez les mêmes gens. On pourrait faire le crime à la librairie 2 parce qu'il y a 16 personnes ici, mais il y en manque beaucoup. Oui, il en manque beaucoup. Oui, il en manque beaucoup. Oui. Je vous remercie beaucoup. C'est gentil d'être venu. Bienvenue. Merci. D'abord, c'est déjà la fin de l'émission. Aujourd'hui, on a rencontré énormément d'auteurs, mais je m'en voudrais de ne pas annoncer que l'invité du jour, c'est Michel Rabagliati. Fait que vous le connaissez bien, c'est le papa de Paul et on peut le rencontrer à plusieurs places. Aujourd'hui, il y a quand même une coupe d'affaires. Bon, avec Michel Rabagliati, il y a 17 heures, une rencontre d'auteurs. Et c'est Mathieu Dugal qui anime ça. Là, à 15 heures, il y a une table ronde sur les grands prix littéraires et leur impact sur la littérature et la vie d'écrivains, ce qui est quand même très intéressant, avec Marie-Claire Blais, Dany Laferrière et Léonora Miano. Ce soir, dans les rencontres d'adultes, il y a la table ronde dont on a parlé très vite avec... avec Annie Cloutier tantôt, la table ronde, la mère dans tous ses états, écrire sa joie et son désarroi, avec Diane Lavoie qui a écrit Tremblement de mer chez Flammarion, Marguerite Anderson, La mauvaise mère, dont j'ai parlé, que j'avais beaucoup aimé ce récit-là, paru chez Prise de parole, Annie Cloutier qui est venue nous voir tantôt, et Caroline Allard, qu'on connaît comme la mère indigne qui vient de sortir les chroniques d'une fille indigne. Aujourd'hui, nous avons rencontré... Je suis un peu pris dans mes feuilles, c'est rare que ça arrive. Je remercie bien gros d'être passé. Sarah Lazzaruni avec son très beau premier roman, Patchouli, Maud Poisson pour son merveilleux... recueil de nouvelles Saccades, Annie Cloutier pour son essai Aimer, materner, jubiler. Maud Veilleux, avec qui j'ai jasé longtemps de son premier roman, Le vertige des insectes. Et vous venez d'écouter une table ronde sur le polar québécois. J'étais avec Jacques Côté, avec Richard Sainte-Marie et Benoît Boutillette. C'était vraiment gentil d'être venu. Le prétexte de les inviter, c'était le recueil Crime à la librairie. C'est Richard Mignot qui a fait la demande à 16 auteurs d'écrire une nouvelle policière autour du sujet du crime à la librairie. Ça ratisse extrêmement large. Il y a aussi des auteurs, des fois qu'on connaît déjà dans le polar, mais... comme Camille Bouchard et à part deux romans plus associés à la littérature jeunesse, Martine Latulippe qu'on a pu découvrir cette année avec un recueil de nouvelles policières, mais qu'on connaît aussi plus du côté de la jeunesse. Il y a Patrick Sénécal qu'on associe plus au fantastique, Robert Soulière lui aussi plus associé au roman jeunesse. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très fort. Demain, ça va être une grosse journée. On va rencontrer en début d'émission Geneviève Peterson pour son premier roman, La déesse des mouches à feu. Geneviève Peterson est connue aussi comme Madame Chose dans la presse. Elle y tient des lettres de cœur. Après, je vais rencontrer Hélène Dorion pour son récit Recommencement, mais aussi pour son échange de lettres avec Carole Bernier, Nous ne sommes pas seuls. Il y a Pierre Breton qui vient nous voir pour son roman Sous le radar, un autre beauceron. Il y avait aussi Maude Veilleux aujourd'hui qui nous arrivait de la Beauce, Louise Dupré avec son très beau album multicolore, Lionel Noël avec son roman de guerre Brouillard d'automne. Il y a Yves Rousseau qui va passer pour nous parler de ses découvertes de salon et Gilles Chamel qui revient avec Samuel Archibald pour nous parler de James Lee Burke, le grand auteur de polar, mais le grand auteur américain tout court. Je remercie tout le monde à la technique. Encore une fois, sans vous, je serais rien. Et c'est la troisième de fête. On se retrouve demain à midi. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Les bouquins d'abord vous a été présentés en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Revenez-nous demain, dès midi. Ici Raymond Poirier, animateur de La Vie en BD. Le vendredi 11 avril de 17h30 à 19h, nous vous offrirons une émission spéciale à l'occasion du Festival de la BD francophone de Québec en direct du Centre des congrès. Au menu, rencontres, discussions et entrevues avec des invités de marque dont l'auteur...